se peut, je dis bien peut-être, qu'après bien du temps, je puisse te renaître. Que je vive sans laisser paraître que tu aimes d'autres gens, que tu m'envoies paître. Comme chaque fois que le vent cesse, que les brumes du passé se dispersent, de toutes mes larmes je vais renaître. Le cœur trop lourd, je vais renaître. La pluie peut cogner ma fenêtre, moi je sais le moment où je vais te renaître. Car je ne peux plus, je ne peux plus me permettre que ton amour absent vienne tout compromettre. Comme chaque fois que le vent cesse, que les brumes du passé se dispersent, le cœur trop lourd, je vais renaître. De toutes mes larmes, je vais renaître. Tu ne seras plus mon Dieu, mon maître. Je suis vivant, je vais te renaître. Je sens ton ombre disparaître. C'est le moment, je vais te renaître. Comme chaque fois que le vent cesse, que les brumes du passé se dispersent, de toutes mes larmes je vais renaître. Le cœur trop lourd, je vais renaître.